Bon, le cosmos, coupable ou non coupable? Coupable. C'est intéressant ce soir, parce qu'on parle d'une conférence qui est cosmique, sinon comique. Et puis, pour asseoir la conférence, eh bien, ça commence avec un tremblement de terre qu'on a eu au Québec. Un tremblement de terre qui a balayé toute la côte est des États-Unis, partie de l'Ontario, tout le Québec au complet, avec des dégâts sensibles un peu partout dans le Vermont, dans l'État de New York, dans le coin de Rimouski, de Québec, Saint-Jean, La Tuque, où il y a un pont qui a des problèmes. Et ça refroidit ou ça réchauffe l'argument même qui se pose, le cosmos coupable ou non coupable. Pendant que l'humain vit sur une planète qui tourne et qui se déplace 35 fois plus vite qu'une balle de fusil, autour du Soleil qui se déplace encore plus rapidement, dans une galaxie qui va encore plus vite, eh bien, cet être humain sur cette planète a été, depuis sa création ou depuis son apparition, selon les idées, confronté à subir le choc du cosmos. Alors, on peut poser la question des maladies, on peut poser la question, justement, des tremblements de terre, la question des ouragans, la question même des guerres, parce que l'être humain est manipulé. Et finalement, la grande souffrance de ceux qui se conscientisent, c'est que lorsque leurs yeux s'ouvrent, ils découvrent qu'ils sont dans un monde merdique. Dans un monde où ils ne contrôlent rien. Dans un monde où ceux qui ouvrent leurs yeux un petit peu vont dire, dans un monde où la religion les a manipulés depuis tout le temps, mais la religion est manipulée elle-même par le grand manipulateur, celui qui manie tout. Et même le grand Manitou est manipulé. L'humain se lève un matin et il a mal à la tête. Il se couche le soir et il a mal au dos. Il doit passer sa vie d'intelligence à nourrir un corps physique. Il doit passer une grande partie de sa vie du corps à reposer le corps physique. En plus, une grande partie de sa vie est occupée à embellir le corps physique pour plaire à l'ego, à sécuriser l'ego, à rechercher l'amour psychologique, l'amour qui de toute façon détruit, à exprimer son émotion qui le fait vieillir. Et ça fait partie de la phase de l'animal humain. Mais le problème, ce n'est pas l'animal humain. L'animal humain ne souffre presque pas de souffrir. Le problème, c'est qu'il y a de l'intelligence dedans. Dans l'animal humain. Il y a de l'intelligence dans l'homme. Et cette intelligence est dans une prison. Une prison majeure. Non seulement parce que nous ne pouvons pas être là où nous voulons être, lorsque nous voulons l'être. Non seulement parce que ce maudit corps est souvent malade. En plus, il vieillit, il se fatigue. On doit l'entretenir, l'alimenter, le reposer. Mais simplement et surtout parce que ce corps est habité par quelque chose d'autre qu'on appelle l'âme, le virus planétaire. Finalement, l'intelligence est présentement obligée d'être exprimée dans un corps physique, limité, que les médecins trouvent extraordinairement génial parce que quand il se fait couper, il y a des cellules cicatricielles qui viennent reformer les tissus. Ce serait mauditement mieux s'il ne pourrait pas être coupable. Et il le trouve extraordinaire pour un paquet de raisons cosmiquement niaiseuses. Le sang est purifié, ça va dans les poumons, on respire, puis patati patata. Alors que le cosmos aurait sans doute pu trouver une manière plus efficace de faire fonctionner la structure. C'est encore beau quand on se casse une jambe, les os peuvent se ressouder. C'est bien. Quand on a une perforation cutanée, ça se répare. On peut se faire opérer. Quand on a des ulcères à l'estomac, on peut réparer. Mais tout ça, c'est pas important parce que l'intelligence se tient dans le cerveau. Mais lui, il ne se répare pas. On peut briser tout le corps, sauf la tête. Ça se répare. Mais quand on brise ce qu'il y a à l'intérieur de la tête, ça ne se répare plus. Et c'est là qu'il y a l'intelligence. Une très belle prison. Et là, évidemment, la science s'ébahit devant la boîte crânienne absolument extraordinairement solide. Mais pas assez solide. Ou elle n'aurait pas besoin d'être solide si à l'intérieur, ça ne se détruirait pas. Mais ce n'est pas tout. C'est que 90 % du corps n'appartient pas à l'intelligence. Il appartient à l'extérieur. Il appartient à la mémoire. Il appartient à la copie de l'intelligence. Il appartient à l'intellectuance et à l'imbécilité. Il appartient à ce qu'on appelle l'homme. Lorsque le corps a faim, l'intelligence a beau vouloir intelligencer les choses, comprendre, avoir un contact avec son esprit. Quand le corps a faim, le corps mange. Le reste attendra. Quand le corps a un désir sexuel, le reste attendra. Quand le corps est sécrète des phénomènes endocriniens qui expriment l'émotion, la colère, la honte, la gêne, l'intelligence n'a rien qu'à attendre. La problématique, c'est que toute la vie de la planète est basée justement sur la stimulation du corps. Quels sont les sens les plus évolués? Les sens corporels. Ceux qui instruisent l'ego, le virus, c'est ce qui se passe à l'extérieur. C'est tout. Ce soir, à 7h moins 11, il y a eu un tremblement de terre majeur, ou majeur, enfin, du point de vue de son étendue. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les corps physiques habités par de l'intelligence? Il y a beaucoup de places où ça l'a paniqué. Il y a eu des endroits où il y a eu des dégâts. Ce n'était pas utile de paniquer. Il fallait sortir de la maison. Pas en paniquant. L'intelligence faisait quoi là-dedans? Rien. Elle était confinée dans un tiroir, encore plus emprisonnée. Pendant que des humains avaient des problèmes, pendant qu'à Repentigny, une tour sur l'hôtel de ville tombait, ben, les humains, les intelligences d'humains à l'intérieur des corps physiques, eh bien, ça ne paraissait pas. Il y a énormément de personnes qui ont paniqué. Partout dans la province de Québec, dans le sud de l'Ontario, sur la côte est américaine. Partout. L'intelligence, on la cherche sur la planète Terre. Et cosmiquement, tout est constitué pour qu'il y en ait. C'est pas grave qu'il y ait de la matière. Ce qui est compliqué, c'est quand ils foutent de l'intelligence juste suffisamment pour que de très temps en temps, la matière semble lumineuse. Juste assez pour créer de l'expérience. De l'expérience qui va se confiner en ego, en émotion et en souffrance. Antiquement, on remettait la qualité de la création sur le dos de Dieu. Et on remettait le défaut de la création sur le dos de Lucifer et de Satan, et aussi sur l'homme. La chute. Tous, vous êtes sans doute d'accord pour dire, pour admettre, que si on vous montrerait le chemin, ou si on vous montrerait clairement ce qu'il faut faire, ou si on vous dirait convenablement, ou si on vous expliquerait très clairement ce qu'il en est, ben, vous seriez volontaire, la majorité. Mais on ne vous le dit pas. Oh non. Tout ce qu'on vous dit, c'est où aller pour le savoir. Puis quand on arrive là-bas, il y a un nouveau papier qui dit, maintenant, tu as la première étape. Tu ne trouves pas plus. Et pour savoir, tu vas à la deuxième étape. Après 4 ou 5 000 étapes, on se pose des questions. C'est juste ça que ça donne. Il y a une mécanicité cosmique, très comique, qui rit de l'homme. Et on a beau vouloir voir le monde aussi béatifiant, aussi joli, aussi extraordinaire, la chenille qui devient un papillon, plus de papillon. Ça valait la peine. Ça vaut la peine de mettre tant d'énergie, tant d'efforts, tant de logistique dans la création d'un petit lièvre qui vient au monde et qui se fait nourrir par sa mère et qui gambade sous les premiers rayons du soleil pour se faire enlever par un aigle. Le corbeau descend sur l'écureuil, perce les deux yeux. Après ça, il t'approche la tête, il ouvre le crâne, il boit ce qu'il y a dedans. Il finit le reste, puis il s'en va. Jolie création. Évidemment, c'est beau lorsqu'on regarde qu'une partie du monde. Lorsqu'on regarde notre miroir, c'est joli. Lorsqu'au travers le miroir, on regarde les pays sous-développés, c'est difficile. Il y a un immense problème. C'est qu'on se fout de l'homme. J'ai dit souvent que les dieux se foutaient royalement de l'humain. Les dieux se servaient de l'humain pour boire au travers d'une paille. Les vampires. Que chaque fois qu'il y a eu des problèmes sur la planète Terre, c'est l'homme qui les a réglés, jamais Dieu. Dieu le distrait, l'homme, pour que l'homme le prie. Pendant ce temps-là, ceux qui ne priaient pas travaillaient, et ceux autres qui remontaient. Les structures qui avaient été altérées. Et le cosmos a son idée de la création. Il a sa mécanique de la création, il a sa logistique de création. On la voit partout sur la planète. On la voit même à travers les soleils qui explosent, pour que d'autres soleils se recréent. On la voit à travers ce que l'être humain appelle des cycles. On joue du piano. Et on part de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Là, on y est sur le Si pendant une éternité de temps parce qu'on sait qu'après, c'est encore un maudit Do. Puis on ne peut pas s'admettre qu'on est dans un cycle où on va recommencer. L'avantage du piano, c'est que le Do qui suit sur une autre octave, ça nous permet de continuer à monter. Quand on arrive au bout du piano, au bout du clavier, le clavier cosmique, où on tombe, où on redescend la gamme, où on fait quoi? Dans ce monde, rien ne se perd, rien ne se crée. Égal. Rien ne peut s'échapper. Et rien ne peut pénétrer. Si nous devons être sauvés, c'est par quelque chose qui fait partie du monde. Parce que selon cette loi, rien ne peut le pénétrer, le monde. Mais être sauvé sans jamais pouvoir le quitter, le monde, parce que selon cette loi, rien ne se perd. Mais cette loi, c'est une loi cosmique. C'est pas une loi intelligente. C'est une loi stupide. Une loi absurde. La même loi idiote qui fait que tu plantes un grain. Une graine, ça grimpe, ça fait un arbre. Et à un moment donné, l'arbre, il doit disparaître pour que d'autres lui-même puissent monter. L'arbre n'a pas d'évolution. Ça ne vaut même pas la peine qu'il meure. Il n'a pas d'évolution. Laissez la place aux petits arbres, qui sont l'essence même de ce qu'il était. Et pourquoi laisser la place aux petits arbres? Ils vont mourir, eux autres, avec. Pour laisser la place à d'autres petits arbres, sautons des étapes. Faisons pousser tout de suite les derniers. Non pas à peine de niaiser toutes les autres. Vous allez vous promener en Grèce. Vous allez aller à Sparte, un vestige. Vous allez aller sur des tombeaux laissé par les Spartiates, très grands guerriers. Des guerriers géniaux, à un point tel qu'ils entraînaient leurs enfants dès leur très, très bas âge, à rire du cosmos. Ou à faire semblant d'en rire. Une légende dit même qu'un jour, des très jeunes enfants qui avaient été réunis pour une inspection militaire, parce que Sparte était une ville militaire, avaient caché un renard sous sa tunique. Et comme c'était interdit de bouger pendant l'inspection, il n'a pas bougé. Quand l'inspection était finie, il n'a pas bougé non plus. Finalement, il est tombé. Le renard lui avait ouvert le ventre. Ah, lui n'a pas bougé. On va à Sparte aujourd'hui. On va sur ses tombeaux. Puis on peut cracher sur les tombes. Parce que les meilleurs guerriers ne peuvent rien contre nous autres. Napoléon a voulu conquérir le monde. Buglez ce que vous voulez contre Napoléon. Ça n'existe plus, Napoléon. La planète Terre tourne. Aujourd'hui, c'est le soir ou la nuit. Ailleurs, sur cette planète, c'est le jour qui se lève. Des gens vont sortir de leur maison. Certains vont brailler, certains vont rire. Certains vont travailler, d'autres vont flâner. Il y aura toute une vie normale. On va éduquer des enfants. On va en chicaner d'autres. Certains vont se faire violer, d'autres vont consommer de la drogue. Il y aura un écrasement d'avion. Il y aura des missiles qui vont décoller pour atterrir sur la vie d'autrui. Et demain, lorsque notre soleil va se lever, on va découvrir un peu les vestiges de ce tremblement de terre qu'on a connu ce soir. Et là-bas, ça va se coucher, en espérant que Dieu va s'occuper du lendemain. Et il s'en occupe. Alors un jour, tous ceux qui sont ici, vous n'étiez pas sur cette planète. Et il y aura un jour où théoriquement, vous ne serez plus sur cette planète. Mais entre les deux étapes qu'on appelle la vie, vous allez vous engueuler, vous allez avoir peur, avoir honte, crier, vouloir améliorer votre image corporelle qui est assujettie au vieillissement, vouloir améliorer la structure de votre ego, vouloir acquérir de la matière dans le but d'avoir du luxe déguisé en confort, vouloir vous en sortir. De quoi? Vouloir vous en sortir du fait que le robinet d'eau chaude fuit. Vouloir vous en sortir du fait qu'il vous manque un peu d'argent pour arrondir les fins de mois ou les fins d'année. Mais à travers cela, il y a le cosmos qui vous regarde avec un grand sourire fendu jusqu'à ses trois oreilles. Et puis qui dit, je ne décris pas le monde d'une façon négative. Non. C'est pire que ça, le monde. L'humain garde ses illusions qu'il a les barbites. L'humain garde ses illusions qu'il y a un Dieu pour le sauver. Après des milliards d'années, l'humain continue à conserver l'idée qu'il y a un Dieu pour le sauver. C'est juste parce qu'il vient de naître, cet humain-là. Il vient de naître il y a quelques années à peine, il y a 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans à peine. Mais s'il aurait vécu les 30 dernières 1000 années, il ne croirait plus aucun Dieu. Et évidemment, l'archétype planétaire antique a instruit beaucoup d'humains que ce n'est pas sur la Terre que ça va se vivre, mais au ciel. Ça rit de nous jusque dans notre mort. On va au purgatoire, jusqu'à temps qu'on ait purgé, et puis lorsqu'il y aura la résurrection des morts, un peu plus de 15 milliards d'humains. Il y a les millions, les milliards, les billions et les billiards. Parce que si on calcule tous ceux qui ont vécu depuis le passé, ça fait du monde. C'est d'ailleurs pourquoi le plan cosmique a prévu que la grande majorité ne serait pas sauvée. Il n'y aurait pas de place. Mais qui décide quel bord on va être? C'est selon ce que nous allons faire. Non, le plan est déjà prévu qu'il n'y ait trois corps qui coulent. J'ai déjà été au cégep, en chimie. Il y a un professeur qui s'était fait mettre dehors parce qu'il y avait trop d'élèves qui passaient. Et il y avait des quotas. S'il y en a trop qui passent, les cours, l'année d'après, sont trop pleins. On ne sait plus où les mettre. Manque d'effectifs, de professeurs. Il devait en couler. Alors, c'était évident. Tu commences ton année, ils ne t'aiment pas la face, tu coules. Travaille pas, tu coules. Et 12 par classe, à l'époque, à ce cégep, dans ce cours de chimie, devait passer. Pas plus. Ça nuisait. Une classe de quoi? 30, 20, 30, 12. Et lui, il avait résisté, il avait chialé, il avait gueulé, on a fait des grèves pour qu'il soit réintégré, on l'a réintégré, mais le quota n'a pas changé, lui. Tous ceux qui avaient coulé avaient protesté pour qu'il revienne, il est revenu, puis il a continué à en faire couler d'autres. Et le cosmos, c'est un peu comme ça. 144 853 élus, sur des milliards de milliards d'humains qui ont vécu. Alors, il faut qu'on cesse de rire avec le cosmos de nous-mêmes. C'est évident qu'il y a des raisons à la condition planétaire. C'est évident qu'il y a des raisons à toute la structure. Mais ce que l'humain appelle le cosmos, qui de plus en plus tend à supplanter le mot Dieu, le cosmos, c'est comme l'univers, c'est comme l'énergie. C'est finalement Dieu qui passe mieux. Alors moi, je comprends Dieu, mais je crois au cosmos. Bon, c'est ça. Il y en a qui croient au porc, d'autres croient au cochon. Mais c'est pas mal le même animal. Le cosmos, il a son idée de l'évolution, de son évolution. Et l'homme, lui, il fait partie de l'expérience cosmique qui va permettre la constitution d'un ego universel à travers l'expérience émotive et souffrante qu'il aura vécue dans le contexte planétaire. Mais l'homme est plus que ça, il a de l'intelligence. Ça ne paraît pas souvent, mais il a de l'intelligence, l'homme. Et c'est cette intelligence-là qui est en prison, qui est encarcanée, qui est prisonnière. Et dans l'évolution naturelle de la conscience de l'homme sur cette planète, il est évident que certains personnages humains vont refuser de rester assujettis au plan archangélique de l'évolution du cosmos. C'est évident. Dans l'Antiquité, ceux qui refusaient, on les mettait en prison au nom de Dieu et on les tuait souvent. C'est l'Inquisition, appuyée par une grande quantité de papes, tous les cardinaux et tous les bons chrétiens. La plus grande force de frappe contre l'évolution a été l'Église catholique romaine, parce que c'est la seule qui a mené une inquisition spirituelle, sorcellerique, contre ceux qui faisaient la même chose qu'elle, sans la Bible ou sans l'autorisation des autorités. Guérissez quelqu'un avec la Bible, c'est Dieu. Guérissez quelqu'un sans la Bible, c'est le diable. C'est pas compliqué. Parce que Dieu est un bon chrétien. S'il guérit quelqu'un, c'est avec la Bible. La conférence que je donne ce soir, elle est violente. Elle est violente parce qu'elle est juste. C'est évident qu'on peut continuer à se mettre à genoux devant l'inacceptable. On peut continuer à adorer celui qui donne 3 coups de fouet de moins que l'autre. Parce qu'il est bon, il fouette moins fort. Celui qui vend de l'héroïne à un jeune, il vend de la drogue. Celui qui vend de la boisson, de l'alcool ou de la marie à un autre jeune, il vend aussi des omnibulants. Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un des deux qui est bien meilleur que l'autre? Non. C'est deux nombrils. Nouvelle expression qui est en place, trou du cul, ça paraît mieux. Bon. C'est deux nombrils. Dans le contexte de l'évolution planétaire, lorsque quelqu'un vous saute sur le dos et vous martèle à coups de poing, vous ne l'aimez pas. S'il fait cela tous les jours, parce que c'est votre mari, parce que c'est votre fils, parce que c'est votre mère, parce que c'est votre femme, vous allez rester avec quand même. Et la journée qui ne vous battra pas, maudit que vous allez l'aimer. Juste pour ça, il mérite qu'on s'en occupe. Même si le reste de notre vie nous bat. C'est ça que le cosmos fait. Vous êtes malade, maladie incurable, cancer du poumon en phase terminale. Et le cosmos, sous tous les noms, descend chez vous et vous guérit miraculeusement. Vous allez mourir pareil. 10-15 ans plus tard, vous allez mourir pareil. C'est une vraie farce, son affaire. Pourquoi Dieu vient me guérir d'un miracle? C'est pour me tuer pareil plus tard. Son but n'est pas de me sauver, il ne me sauve pas. Son but est d'illusionner tous ceux qui vont me regarder. Et pas de me sauver. Il ne me donne pas l'immortalité. Il me permet de souffrir plus longtemps. Il guérit un néo que j'ai, un cancer. Et puis après ça, je fais quoi? Je continue à avoir peur, je continue à vivre, je continue à travailler, je continue à faire comme tous ceux qui n'ont jamais été malades. Torieux, il aurait pu me laisser en santé plutôt que de me rendre malade, me guérir. Ça rend plus fort. Le marteau brise le cristal, mais il forge l'acier. Génial. 99% de l'humain est du cristal. C'est ça qui n'est pas génial. Il ne reste plus grand-chose de l'humain après un passage d'une vie sur la planète. Il reste une fleur qui pousse sur sa tombe. Il reste des mémoires dans le monde de la mort. Il reste peut-être des corps physiques d'enfants qui ont été engendrés entre-temps, qui vont aussi passer par là. La justice, ça n'a jamais existé dans le cosmos, ça ne peut pas exister pour un paquet de raisons. Même dans la tête de l'homme, ça n'existe pas. Quand on condamne un meurtrier, on est injuste. Il a été manipulé, ce n'est pas de sa faute. Le laisser en liberté, il continue à tuer, c'est injuste, ceux qui le tuent ont été manipulés à ce placer-là, le gars est manipulé avec, ça ne regarde pas l'humain. Mais tort, il faut qu'on s'occupe de Dieu, alors on prend le gars, habité par Dieu, puis on le fout en prison. Puis là, Dieu est obligé de soit de tuer quelqu'un d'autre en prison, soit de faire des conneries sexuelles, ou soit de se suicider, ou soit d'attendre quelques années pour sortir de prison. Le cosmos a une idée de l'évolution qui ne fait pas référence à de l'intelligence. Tout le plan évolutif cosmique est basé sur de la mécanique. Tout le plan évolutif cosmique n'est pas basé sur de l'intentionnalité. Tout le plan évolutif cosmique n'est pas basé sur de l'intelligence. Mais, hélas, ou tant mieux, il y a de l'intelligence dans l'homme. Et s'il y a de l'intelligence dans l'homme, cette intelligence ne doit plus se soumettre à l'évolution cosmique, à l'évolution du cosmos. C'est évident qu'en 1988, fin d'année, en année standard, selon le concept de la majorité des humains de la planète, ça paraît un peu abrutissant de dire que l'intelligence qui habite l'homme doit cesser de se soumettre à l'évolution du cosmos. Parce que l'intelligence est à peine embryonnaire chez l'homme, du point de vue de sa révélation. Elle est là. Mais la majorité des consciences l'ignore. Elle n'est pas encore assez révélée. Ça vient. Surtout au Québec. Mais dans ce monde cosmique, il y a des débuts à tout. C'est prévu par la mécanique cosmique que l'intelligence un jour va fleurir. C'est prévu. Et tout a été pensé, mais génialement pensé, pour l'en empêcher. Ou pour retirer au maximum des humains qui vont devenir intelligents avant qu'ils se sauvent eux-mêmes. C'est ce qui engendre le MTS, le martyr de la transition supramentale. C'est ce qui engendre les souffrances majeures, les maladies, les pertes d'emploi, la pauvreté qui normalement colle sur le dos de ceux qui se développent dans l'intelligence. Celui et celle qui se conscientise a de la difficulté au travail. Elle finit par trouver ça stupide, con, idiot. Oui, son intelligence ne veut plus se soumettre à la mécanique idiote du cosmos. Mais en même temps, il y a son ego, il y a l'anti-homme qui l'habite. Il y a la manipulation de la collectivité, de sa famille, de ses voisins, de ses patrons, de ses employés, de ses collègues, de son passé, qui lui fait dire, t'es fou, t'es pas correct, t'es anormal, soigne-toi. Parlez, j'en parle souvent en séminaire, de l'initiation solaire et de l'initiation lunaire, de l'initiation de l'animal humain, comparativement à l'initiation de l'être. L'initiation solaire, ça n'existe pas pour l'intelligence. L'initiation solaire, c'est la libération de l'intelligence de son enfouissement dans la mécanique cosmique. C'est le cosmos qui vit l'initiation solaire, pas l'être humain. Ça se fera par la tête de ceux qui vont s'éveiller. C'est le cosmos C'est les dieux qui vont souffrir. C'est le monde de la mort qui va être purgé. Et c'est tous ceux qui restent assujettis. C'est pourquoi il n'y a pas énormément de, entre guillemets, d'élus prévus. 144 853, c'est intéressant. Dans la mécanique cosmique, c'est stupide, absurde. Sur des milliards et des milliards d'humains. Il y a des raisons, évidemment, que j'ai déjà expliquées, qui fait que tout le monde s'en sort. Il y a deux évolutions. Une reliée au temps. Une libre du temps. Il y a deux démarches. Une extrêmement compliquée et qui demande des rituels, qui demande de l'énergie, qui demande de la croyance, qui demande du temps, qui demande d'accepter les claques en plein visage pour le plaisir de celui qui vous les donne. Il y a une démarche qui est simple. Fait qu'on ne vous donne pas de claque en plein visage. Qui fait qu'on ne vous demande rien en retour. Il y a deux cheminements. Celui qui vous conduit chez vous et celui qui vous conduit chez autrui. En gang. Ceux qui, j'ai déjà dit en m'amusant qu'il y avait seulement une petite porte pour entrer au ciel, comme Jeff Garoche à coups de millions, l'Assemblée générale en avant de la porte, l'émeute. Puis en plus, la porte, c'est pas une porte panique. Elle s'ouvre pas en poussant, elle s'ouvre en tirant. Il y a un chemin qui est attaché au passé, aux traditions. Il y a énormément d'humains sur la planète qui continuent à adorer et à vénérer les traditions du passé, les livres sacrés du passé qui, dans l'histoire, ont prouvé qu'ils n'avaient servi à rien. Parce qu'à travers 2000 ans, à travers 30 000 ans, à travers 45 milliers d'années, ces traditions du passé qui ont été appliquées par toutes ces milliards d'humains, on peut lire l'histoire, ça ressemble énormément à ce qui nous attend. Et la majorité des humains continuent à vénérer le passé. Parce que le passé, c'est connu. Mais l'autre chemin est un chemin du neuf. Un chemin de l'instantané. C'est libre du temps. Un chemin de simplicité. Pas besoin d'apprendre et d'étudier. De marmonner, de répéter. Un chemin qui vous demande simplement. Et c'est évident que lorsqu'on commence à travailler dans ce chemin, il y a tout le 95% de l'anti-homme qui tire en maudit dans l'autre chemin. Où on vous dit simplement, vous avez de l'intelligence, servez-vous-en. Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste, ne réfléchissez plus, ne pensez plus, agissez. Quand vous accomplissez des gestuels, des événements qui sont esthétiques, vous êtes sur votre chemin. Ne demandez pas à autrui si votre mouvement, si votre esthétisme est convenable, normal, acceptable. Parce que là, vous allez être dans le chemin des autres. En gang, en troupeau. Et vous aurez besoin, évidemment, d'un pasteur qui a une seule et unique fonction. Vous empêcher de vous disperser. Mais remarquez qu'un pasteur, lorsqu'il garde ses brebis, ne dirige jamais les brebis. Il suit les brebis. Car elles seules savent où il y a de l'herbe à brouter, où il y a de l'eau à boire. Lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il ramène les brebis garées au troupeau, avec un chien ou deux, que la brebis pourra considérer comme étant sa tâche. Et le pasteur qui, de temps en temps, vient ramasser le petit agneau qui vient de tomber. Le Dieu, le sauveur. Mais toutes les religions sont des troupeaux, avec des brebis, des guides, des maîtres, des pasteurs. Et c'est toujours le troupeau qui décide où ça va. Jamais le pasteur. Alors, si le troupeau est capable de savoir où il y a de l'herbe, à quoi sert le pasteur? Le pasteur, il sert à conserver l'attribut même du phénomène grégaire. La sécurité dans l'ensemble, l'esprit de groupe, en réalité l'âme collective. Et il sert, le pasteur, à empêcher chaque petite brebis de devenir autonome et de foncer. Certains vont dire, oui, mais dans le troupeau de brebis, quand les petites brebis s'égarent, les loups les attendent. Alors qu'ils restent dans le troupeau, c'est l'humain qui va les manger. C'est Dieu qui est pasteur et qui les dirige. L'homme, un jour, antérieurement à la création de la planète, qui est extrêmement jeune, qui n'a que 4 milliards d'années, ou plus, disons 4,6 milliards d'années, antérieurement, nous étions, pour continuer à faire le parallèle avec les brebis, nous étions des chèvres sauvages, des boucs. Nous étions des antilopes. Nous étions des orignaux. Et nous étions capables de vivre avec comme ennemi le lion, la panthère, le loup, l'ours, et même les animaux humains de l'époque. Et un jour, nous avons été placés en troupeau. Et nous sommes, à travers notre involution, devenus des vaches, devenus des brebis. Et là, c'est évident que si on me laisse dans le bois tout seul, je ne pourrais pas survivre à un loup. Alors que tous ceux qui n'ont pas été placés en groupe survivent. Leur pire ennemi, l'homme, le chasseur, pas le loup. Alors, lentement, nous avons accepté d'être placés, placardés dans un monde hautement sécuritaire. Très sécuritaire. Pour nous. Un monde tellement sécuritaire que parce qu'on nous aime, on ne doit pas sortir. On risque de mourir. Et à l'intérieur, il y a autant de morts, autant de misère, autant de problèmes. Nous sommes dans une prison en sécurité maximum. Sortir est nuisible pour l'extérieur et on nous dit, tu ne sors pas parce que c'est dangereux pour toi. Tu n'évolueras pas plus vite que la gagne. Ça, c'est l'évolution cosmique. À quoi nous sert l'intelligence si nous sommes obligés de mourir corporellement pour oublier, intégrer un monde de la mort, passer par des phases purgatorielles? À quoi nous sert l'intelligence si ça nous sert juste à se rendre compte qu'on s'est encore chicané, qu'on a encore trop dépensé, qu'on est encore inquiet par manque d'argent, qu'on a besoin de ceci ou de cela? Observons comment le cosmos a bâti le merveilleux corps physique de l'homme. L'humain adore manger. C'est bon. Ça le rend malade de trop manger. Mais c'est là qu'il a son plaisir. Ça lui donne de l'embonpoint. Ça nuit à la circulation sanguine qui nourrit le cerveau, le centre d'une prémisse de l'intelligence. Relation sexuelle, maudit que c'est bon. Il perd son énergie vitale. Il vieillit son corps physique. Le système auditif, ben de la musique, ça abrutit. Ça nous déconnecte du monde extérieur. À un moment donné, on s'endort avec la musique, on relaxe avec la musique. Plus capable de rien faire de par soi-même, que la drogue extérieure, on en a besoin. Si on observe, même nos yeux, les hommes ne peuvent pas voir une belle femme sans avoir des problèmes. Le moindrement qu'on observe l'extérieur, si on voit ce que le voisin a, on est jaloux. On juge, on condamne, on préjuge, on y va avec dans nos yeux. Tout ce qui nous fait jouir est involutif. Puis les seuls plaisirs que l'humain peut avoir sur la planète le conduit dans l'involution. Hey, c'est intéressant, maudit, on est bien organisé. Si on évolue, on souffre un peu plus, on mange plus de chocolat. Parlons-en du chocolat, c'est bon, hein? Regardez vos dents après, et que c'est génialement fait. Pourquoi qu'est-ce qu'on aime n'entretient pas notre santé? Pourquoi qu'est-ce qui est plaisant à faire ne nous énergise pas pour évoluer? Non, l'inverse. Vous voulez manger une alimentation saine? Fermez les yeux, bouchez-vous le nez, puis mangez ça vite, parce que c'est pas bon. Et que ça goûte pas bon. On s'essaye un peu, on va devenir végétarien, puis c'est macrobiotique. C'est compliqué. Mais la tarte, le roast beef, ah, ça, c'est, oui. Torieux que c'est bien fait. Pourquoi la relation sexuelle n'énergise pas les deux? Pourquoi elle ne rajeunit pas le corps? Vu que c'est plaisant, puis qu'à cause du plaisir que le corps et que l'astral en retire, on se charrie par là. Pas par le bout du nez, mais quand même. Pourquoi? Pourquoi les aliments qu'on aime tant sont-ils les plus destructeurs? Pourquoi finalement tout ce qu'on aime? La drogue, c'est au bout. Quelqu'un qui prend ça, il se détruit. Il s'en va pas dans le bon sens. Tu t'ennuies? Assume ta solitude. C'est con. Toute l'évolution se fait dans le sens souffrance, pénible, où ça demande de l'énergie, de l'effort, certains diront de la volonté. Puis toute la structure d'évolution, elle, elle glisse comme si on était sur une glissade avec de l'huile entre nous autres, ça y est, bon, un schnack. D'après ça, on ose nous prétendre dans notre archétype religieux que l'homme est faible. Torieux, essaye de monter à l'envers sur une glissade d'huile. Non. Il y a quelqu'un qui est irresponsable, coupable de quelque chose, ou il y a du moins quelque chose qui ne va pas quelque part. Ou il y a une raison intelligente sous-jacente à ça, il y en a une. Mais pour la supporter, on doit commencer par haïr un peu plus la cochonnerie. Certains se disent missionnés par les dieux. Sauver le monde. Sauver la jeunesse. Retrouver les cadavres disparus. On leur met la photo sur les peintes de lait. C'est des missions. Dieu est bon, il m'a missionné pour sauver des enfants disparus. J'en ai trouvé 2 sur 400. Dieu, il est bon. Il en a tué 398 sur 400, puis Dieu, il est bon. Je sais que c'est pas la faute à Dieu. C'est la faute à l'homme. Qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et qui s'est pourri tout seul, on ne sait pas comment. Dieu, pareil comme nous, se pourrit pas. Nous, pareil comme lui, on se pourrit. Rien ne se perd, rien ne se crée. La pourriture était là avant nous. Deux chemins qui sont parallèles pendant un long laps de temps, de plus de 15 milliards d'années. Deux chemins qui se rejoignent et qui bifurquent l'un par rapport à l'autre, l'un vers l'autre, et qui se croisent, et qui par après s'éloignent les uns des autres. Nous approchons de la croisée, là où l'esprit va toucher la matière. Les deux chemins sont deux canaux, très proches l'un de l'autre. Ils bifurquent, se touchent, ça éclate, et par la suite, ils vont continuer leur direction. Dans un côté, il y aura la mémoire, il y aura les corps, la souffrance et les jaguars. Dans l'autre côté, il y aura l'intelligence, la simplicité. Pas d'automobile, parce qu'il n'y a pas besoin de déplacement. Présentement, nous vivons les deux. La conscience de l'absurdité et le goût de la jouissance. La partie qui veut évoluer, la partie qui reste restrifiée. La partie qui dit, au-delà de la mort, un monde meilleur. Et qui dit, j'espère que je ne mourrai pas trop jeune. On a peur d'aller dans le monde meilleur. Non. C'est qu'il y a deux parties qui habitent l'homme. Qui co-animent l'homme. Qui habitent, cohabitent avec le corps. Et il y a un problème. Le cosmos se fout de l'intelligence. Remarquez, ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas d'intelligence. L'intelligence supramentale, c'est une énergie galactique. Une énergie qui existe aussi entre les galaxies et qui relie l'univers. L'énergie bouddhique, le phénomène d'attraction, est supra-universel. Il renie les univers dans un super-univers. L'énergie intentionnelle, celle que l'ésotérisme appelle divine, mais ça n'a rien à voir avec le Dieu dans le monde de la mort, créé par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. L'énergie intentionnelle, elle relie les super-univers entre elles dans la création. L'intelligence, elle est supramentale dans sa plus petite forme d'expression. Appelée antiquement à l'Esprit Saint un esprit pur, non coloré par l'expérience et la présence de l'homme et de son monde de la mort. L'intelligence s'approche de l'homme, touche, comme jamais ça n'a été fait. Jusqu'en l'an 2023, ça va toucher. Les chemins vont se croiser, vont se heurter. La problématique, c'est que le cosmos, qui est constitué d'intelligence supramentale, est aussi ignorant qu'un crapaud qui n'a pas été instruit par sa mère crapaud. Sans le contact avec l'homme, l'intelligence n'est rien. Et toute l'intelligence supramentale qui n'est pas absorbée par l'homme est le cosmos. C'est de la mécanique. Ça plante des clous dans un mur. Un clou au pied, exactement. Vous êtes en train de monter sur le mur et vous avez votre main placée là où il y a un clou qui doit être planté. L'intelligence plante son clou. Votre main, ah, vous allez mourir un jour. Qu'elle sèche après le clou ailleurs. C'est logique. Ça ne dérange rien. Mais celui à qui appartient la main ne voit pas. Cela du même œil. C'est nous, ça. Toute l'énergie qui n'est pas emmagasinée par l'homme travaille contre l'homme. Pas volontairement. Mécaniquement, le cosmos est coupable de parjures et coupable d'insultes à l'intelligence. Mais ce n'est pas conscient. C'est l'homme qui doit changer et c'est l'homme seul qui peut changer la structure qui applique les lois cosmiques. La loi est dans les mains de l'homme. Toutes les lois. Lorsque l'homme aura accepté de dire que si de la naissance à la mort on vieillit, avant la mort on va bloquer le vieillissement et on va rajeunir. Ça ne se peut pas, comme le vieillissement ne se peut pas. Vous ne me ferez pas croire que manger de la viande d'animal qu'on a tué, que manger des bananes, des pommes, de la laitue, de la salade, ça se transforme en corps physique chez un enfant. Ça s'accumule en corps physique typique de l'enfant pour engendrer un adulte plus tard. Ça se peut pas. Mais c'est pourtant ce qui se passe. On prend une graine, on la plante à terre. Assyrien connaît rien. Parlez-y, elle vous répond pas. La terre connaît rien, il n'y a rien qui connaît rien. Que lentement, il y a une plante qui va sortir, qui ne poussera pas vers le centre de la terre, mais qui va pousser vers le soleil. Puis ça va grossir, grossir, grossir, grossir, grossir. On va le couper pour en faire une table après. Non, ça ne se peut pas. C'est pourtant ce qui se passe. Mais si ça, ça ne se peut pas, puis ça se passe. Rajeunir, ça ne se peut pas, mais ça doit se passer. Mais pour cela, il doit y avoir suffisamment de conscience humaine qui vont finir par empêcher le cosmos de continuer à appliquer sa mécanique débile sur la structure volutive de l'homme. Ce n'est pas du positivisme. Oh non! Positivisme, c'est adorer le négativisme. C'est de voir plus beau une réalité, plus belle que la réalité est. Puis le négativisme, c'est de la voir plus laide qu'elle est. Dans un cas comme dans l'autre, quand un coup de poing s'en vient, que tu trouves la bague dessus très belle ou très laide, quand le coup de poing te frappe, tu frappes pareil. Il y a une seule solution. En réalité, il y en a deux, toujours deux solutions. Un problème, rester dans le problème, une des solutions, ou s'en sortir. S'en sortir. Ça veut dire de cesser d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Terrible. Ça veut dire cesser d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Ça veut dire de changer les choses que l'on peut changer et de tolérer temporairement celles qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas accepter les choses stupides. À quoi nous sert l'intelligence? On est intelligent juste pour se rendre compte qu'on est dans une impasse. Puis que l'autre à côté qui n'est pas intelligent, il ne sait pas, puis il continue à fêter. Ça nous rend encore plus malade de le voir aller. On est intelligent pour ça. Dans la conscience naissante de la majorité des humains qui vivent sur la partie nord de notre planète et se concentrer surtout au Québec, c'est un peu problématique de prétendre qu'on va changer le cosmos. C'est problématique. Cachez-vous-le pas. Vous ne croyez pas. Mais si on ne peut pas le changer, on va au moins trouver con ce qui est con, minimum, pour qu'au moins le peu d'intelligence qui nous habite serve à quelque chose. Puis on va même tout faire pour nuire, pour qu'il nous ôte l'intelligence qu'on s'aide de souffrir, ou pour qu'on y boube encore, pour qu'il nous mette dehors de la prison, parce qu'on nuit trop. Être dehors de la prison, ça veut dire perdre la sécurité du pasteur. Ça veut dire qu'une grande partie de ce qui nous constitue et qui a besoin de cette sécurité se ramasse dehors avec nous autres. Quand on commet un crime, la partie mauvaise va en prison. La partie bonne qui vous habite va en prison aussi. Mais là, on va évoluer. La partie bonne va se ramasser dehors. La partie mauvaise, dehors aussi. Il est temps, là, qu'on y remette l'appareil. Chaque fois qu'on a des problèmes, chaque fois qu'on a des chicanes, chaque fois qu'on mange du chocolat, bien, en dedans, on se dit, bien oui, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, bien maudit, j'ai encore fait ça. Il y a une partie chez nous qui souffre et qui n'est pas responsable. Mais elle est pognée dans le même corps. Mais c'est ça, évoluons. La cochonnerie est pesante, elle ne veut pas suivre. Comme notre intelligence ne veut pas suivre non plus quand on paye pour des conneries qu'on n'a pas faites puis qu'on a été manipulé à faire. Bien, qu'à suivre. Dehors. Tout le monde a peur. On a tellement été instruit que dehors, c'est dangereux, que si on est deux à sortir, quand on se regarde, on se craint, on se pousse. Fait que c'est évident qu'on va être seul. Jusqu'à temps qu'on rencontre un sanctuaire particulier. Jusqu'à temps qu'on devienne complice de ceux qui sont déjà dehors. Jusqu'à temps qu'on finisse par apprendre ou par désapprendre la peur pour se retrouver sans peur, libre. De vibrer un individu puis de dire... Mais pour ça, il faudra qu'on cesse de tourner autour des murs de la prison. On est dehors. Mais il y en a plusieurs qui se ramassent dehors et qui tournent en gang autour des murs de la prison. De temps en temps, on fait une faveur à ces libérés. On ouvre les portes de la prison et ils rentrent. Ils reviennent vers le passé. Ils se sentaient coupables, ils font une rechute. Et là, on les accueille à bras ouverts. Et qu'on les félicite, on leur donne du chocolat. On fête, on allume des chandelles. On fait venir toutes les autres détenus, puis on dit, « Voyez, ils sont revenus dehors, c'est pire, c'est comme on vous le dit. Restez ici. » Puis faites comme on vous le dit, à telle heure, ceci, à telle heure, cela, tel jour, ceci, tel jour, cela. Faites ce qu'on vous dit. Le problème, c'est que ceux qui sont sortis dehors n'ont jamais été assez loin pour être libérés. Alors, quand on commence à évoluer, quand on quitte un peu la mécanique du cosmos, c'est évident que notre corps est encore assujetti. Si un gardien du centre de détention nous tire dessus alors qu'on est loin là-bas, on va dire « Crime dehors, c'est bourré de balles de fusil perdu. » Regarde d'où ça vient. On a lancé des chiens après toi. C'est pas que dehors, c'est pire. C'est qu'on te reconnaît encore comme ayant appartenu à cette prison là. Quand on est dehors, ça prend quelque temps, pas trop, et on est récupéré par l'intelligence. Lentement, une grosse partie qui tient à retourner vers la prison nous quitte. L'anti-homme nous lâche. Puis retourne nourrir les forces d'involution. Alors que nous sommes subitement libres, heureux, vibrants. Nous vibrons par sentiments. Plus d'émotions chez nous. Plus de souffrance. Plus de vieillissement. Plus d'abattardise. On résonne avec des sentiments. On a maintenant, on a subitement chez nous, la capacité de goûter à la vie. Et pas juste de l'émotiviser. Pas juste de la vibrer à l'intérieur en disant « Maudit, c'est beau de temps en temps. » Parce que là, il pleut, fait que tu vois du soleil en dedans. Non! Il pleut, ça te fait rayonner. Il neige, ça te fait rayonner. Il fait soleil, ça te fait rayonner. Quel que soit ce qui va se passer, devient, tous les événements et les formes deviennent un aliment énergétique que seul un être humain qui vit par le sentiment peut absorber. Et il n'émotivise pas. Savez-vous ce que c'est que l'émotion? On va en parler la semaine prochaine, mais l'émotion, c'est comme si vous mangeriez un morceau de gâteau, puis vous, au lieu de le digérer, vous le conservez tel quel pour de temps en temps le régurgiter pour le remâcher, pour y goûter. Ça, c'est l'émotion. Mais le sentiment, c'est la digestion du gâteau. Là, il nous énergise. On ne peut plus le regoûter, oublions ça. Le sentiment reste dans l'instantané. Mais l'émotion, on peut se rappeler, on peut revivre. On n'a pas digéré l'événement énergétique qu'on a goûté. On va revenir la semaine prochaine. C'est fondamental de comprendre la mécanisme même du sentiment. Le cosmos n'est pas coupable. Chien, cochon, imbécile, idiot, oui, pas coupable. Non coupable. Mais l'homme n'est pas à sa place. L'homme ou la femme ou l'enfant qui a de l'intelligence n'est pas à sa place. La première chose qu'on doit déplacer, c'est ce qui va plus vite que le corps. La conscience. Elle doit quitter la prison. Et lentement, à travers le temps, le reste va suivre. Il y aura des agressions, anti-évolution, évolutive. Et lorsque vous commencez à douter du passé, lorsque vous commencez à avoir une flamme qui vous fait dire, « Toi, lui, ça n'a pas de sens. Nourrissez-la. » Vous allez voir un monde laid, mais vous ne le verrez pas plus laid qu'il est. Vous allez le voir tel qu'il est. La problématique, c'est qu'avant de le voir beau et de voir son intelligence sous-jacente, on devra purger l'émotion qu'on y a mise. Donc, on devra le voir laid avant qu'on ait tout brûlé cette chose pour commencer à voir l'intelligence. Moi, je vis dans ce monde et je m'y plais. Ça n'empêche pas qu'il y a plein d'absurdités. Mais lorsque notre vision s'est tarie des laideurs et qu'elle s'est tarie de l'espérance de beauté, là, elle entre en vibration, sentiment avec le monde. Ce qui permet à la conscience de s'extra-conscientiser et d'avoir un point de vue cosmique de l'évolution de l'homme et d'avoir un point de vue extra-cosmique de l'évolution du cosmos.